Merci de nous rester fidèles. Merci également d'avoir choisi la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Les dépenses totales de l'État exercice 2023-2024 vont désormais connaître une réduction de 3,6%. Une annonce faite ce vendredi par le ministre des Finances devant l'Assemblée nationale du Burundi. Mais les députés s'inquiètent de l'annulation des activités de l'Obuha, ARB et Phonik pour les trimestres 3 et 4. Et les veuves des militaires morts à mission de maintien de la paix à l'étranger demandent d'être priorisées dans les recrutements ou affectées près de leur domicile, a laissé entendre le ministre des Finances de la Défense lorsque les corps de défense et de sécurité ont souhaité ce vendredi à la famille présidentielle les meilleurs vœux pour l'an 2024. Et le prêt bourse de 60 000 francs octroyé chaque mois aux étudiants des universités publiques reste dérisoire. Une affirmation du ministre de l'Éducation lors de la séance des questions orales au Sénat. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants demande au chef de l'État de plaider en faveur des veuves des militaires morts en mission de maintien de la paix à l'étranger. Dans les cérémonies de souhaiter les meilleurs vœux pour l'an 2024 à la famille présidentielle par les forces de l'ordre et de sécurité à Gitega ce vendredi, le ministre Alain Tribert Moutawazi indique que ses veuves demandent d'être prioritaires dans les recrutements ou affectés près de leur domicile. Et le chef de l'État promet de trouver progressivement les réponses aux doléances soulevées. Le point avec Gérald Nibigira depuis Gitega. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Défense nationale et des ex-combattants Alain Tribert Moutawazi a indiqué que plusieurs militaires sont morts à mission de maintien de la paix à l'étranger. Ainsi, il a présenté au chef de l'État les doléances des veuves de ces militaires. Il s'agit notamment du fait que d'autres veuves sans travail ni profession et par conséquent incapables de subvenir aux besoins de leurs orphelins soient plutôt priorisées lors des recrutements au travail, chacune selon ses compétences et sa formation. Et les veuves qui sont embauchées mais qui travaillent loin de leur domicile demandent qu'elles soient mises près de leurs habitations. En outre, les femmes dont les époux sont handicapés de guerre et qui elles aussi travaillent loin de leur domicile réclament la mutation pour travailler près de leur foyer afin de mieux secourir et suivre de près leur conjoint devenu inapte. Prenant la parole, le chef de l'État a invité tous les participants à sauter debout et observer une minute de silence en mémoire de tous les militaires morts et en combat pour la paix. Ainsi, il a promis que toutes les questions soulevées dans ces cérémonies trouveront solution progressivement. Le ministre de la Défense nationale et des ex-combattants, Alain Tribert Moutawazi, et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, ont offert au chef de l'État un présent constitué d'aussi génisse et l'ont vivement remercié pour avoir honoré sa promesse de revoir à la hausse la solde des militaires et policiers. C'était ce vendredi lors des cérémonies de souhaiter les meilleurs vœux du nouvel an 2024 au chef de l'État et sa famille, conjointement organisé par les deux ministères au camp militaire de Gitega. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour Radio Isanganiro. Gérard Nibigira, et nous restons toujours dans la province de Gitega pour dire que le ministre de l'Éducation et la Recherche scientifique admet que le prêt bourse de 60 000 francs par mois octroyé aux étudiants des universités publiques reste dérisoire. Répondant aux questions des sénateurs ce jeudi, en rapport avec les inquiétudes des élus locaux comme quoi certains étudiants abandonnent les études pour cause des conditions de vie qui sont devenues insupportables, le ministre indique que le gouvernement prévoit statuer sur le cas. Mais François Abdialimana trouve également que ce secteur devrait être ouvert au privé, bien qu'il n'admette pas que de tels abandons sont liés à ces conditions de vie pénibles. Le point avec Alain Désiré Bukayenet. Uko nibaza yuko abaheba abareka kuza bitaba bivuye kuri iyo mvo Le ministre de l'Éducation nationale trouve que la question d'abandon des étudiants pour cause de conditions de vie difficiles n'a rien à voir avec le prêt bourse. François Havdialiman a indiqué que si cela serait le cas, les étudiants devraient demander d'embrasser les facultés ou instituts de l'intérieur du pays. Ceux qui disent que les 60 000 restent insuffisants, au lieu d'abandonner les études, ils devraient demander de fréquenter les facultés, les instituts de l'intérieur du pays où le coût de la vie semble abordable. Emmanuel Sinzohakera, président du Sénat burundais, n'admet pas que l'étudiant soit obligé de faire une faculté ou un institut qu'il ne voudrait pas suivre. Excellences, Monsieur le ministre, trouvez-vous normal qu'un étudiant soit obligé d'aller dans une faculté ou institut sans compétences requises ou malgré lui? Tenez, je peux être capable de suivre les études de Bujumbura, mais voilà, vous m'obligez de suivre celles de l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation répond que fréquenter les campus de l'intérieur du pays serait un remède pour ceux qui abandonnent les études de Bujumbura. De toutes les façons, il serait préférable qu'un étudiant suive ses études tout en évitant ces cas d'abandon. L'essentiel est que l'étudiant reste à l'université. François Havdialiman a fait savoir que le gouvernement projette la hausse du prêt bourse, admettant que 60 000 francs burundais par mois actuellement restent dérisoires. Le prêt bourse est vraiment dérisoire et procéder à sa hausse demande beaucoup de fonds. Nous avons statué sur la question lors des états généraux et nous avons demandé à l'université de faire une proposition. Nous avons certes pris en principe qu'un étudiant bénéficie d'un prêt bourse équivalent au salaire d'un fonctionnaire de son niveau. Mais cela n'est vraiment pas une solution. Il indique que la meilleure recommandation est de laisser les privés contribuer dans ce secteur. Dans d'autres pays, le gouvernement subventionne en privé. Comme cela, un étudiant sera capable de se restaurer auprès de ce dernier en utilisant le prêt bourse lui octroyé. Le président du Sénat demande au ministre qui supportera le loyer de chambre pour ses privés et le ministre tranquillise que cela devra être comptabilisé dans le prêt bourse octroyé aux étudiants. Alain Désiré Boukayen est toujours au niveau du Sénat. Le gouvernement du Burundi ne prévoit pas des fonds pour les travaux de construction des logements sociaux, mais va rendre disponibles les terrains à bâtir qui seront exploités par les partenaires privés. Précision du ministre des Infrastructures lors d'une séance des questions orales au Sénat. En province Gitega, c'était ce jeudi. Dieudonné Doukounda indique que son ministère attend les directives du gouvernement pour donner le coup d'envoi à ses partenaires privés. Je puis de le suivre dans la traduction française de Jean-Marie Mayong. Ce projet, ce ne sont pas des fonds que le gouvernement prévoit d'injecter pour construire des logements à tout le monde, car tout le monde avait l'habitude de se construire un logement. Plutôt, l'État a imaginé une façon pour que les gens aient accès à un logement sans avoir fourni trop d'efforts. Et vous me demandez comment? Premièrement, une personne est arrivée à construire une maison en achetant la parcelle, tout d'abord, et en payant pour la viabilisation et en contractant un crédit. Mais maintenant, le gouvernement dit « je vais mettre à disposition des parcelles ». Et le poids de chercher la parcelle est allégé. Deuxièmement, si les logements sont construits en groupe, il y a très peu de charges. Même le portail est pour toute une communauté. Vous me demandez pourquoi on n'a pas encore débuté avec les travaux. Au niveau du ministère, on a commencé à montrer le plan et puis on a élaboré une politique relative. Il y a un document que nous avons présenté au Conseil des ministres. Il a été approuvé par ce dernier. Ce document explique bien comment ce projet va être mis en place. Nous avons organisé aussi des réunions avec les investisseurs potentiels, que ce soit les banques ou les promoteurs immobiliers. Nous avons eu des discussions avec ces derniers et certains parmi eux se sont prononcés par rapport aux fonds qu'ils peuvent injecter et ils ont également fixé le taux d'intérêt. Après ces discussions, nous nous sommes tournés vers la Banque de la République du Burundi pour qu'ils nous fasse une projection macroéconomique pour qu'on sache si nous pouvons contracter les dettes en devises à taux de 12% à 14% pour que chaque Burundais ait un abri à un prix abordable. Nous n'avons pas encore fini les discussions à propos de cela. Une fois que ce sera fait, nous allons octroyer ces parcelles à chaque investisseur selon sa contribution. Mais nous avons déjà donné des opportunités aux investisseurs privés. Certains parmi eux ont déjà commencé à construire des logements. Si le gouvernement a déjà octroyé des parcelles et qu'il a déjà épaulé les investisseurs, il ne reste pas beaucoup de choses à faire. On veut que ceux qui vont avoir droit à ces parcelles vont accepter de construire ces étages. Nous attendons les directives du gouvernement et d'achever ces discussions avec la Banque de la République du Burundi et de voir le potentiel investisseur. Franchement, c'est comme cela que j'expliquerai la question. On l'avait expliqué dernièrement. Je terminerai par dire que nous ne nous focalisons pas à Bujumbura seulement. Après, nous voulons construire ces logements dans tout le pays. C'était le ministre burundais chargé des infrastructures, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Et l'implantation et équipement des centres de formation des jeunes en entrepreneuriat dans toutes les communes du Burundi font partie des activités prévues mais non réalisées au cours de ce trimestre par le programme d'autonomisation économique et emploi des jeunes PAEJ. Dans une conférence de presse sur la présentation des résultats trimestriels ce vendredi à Gitega, le coordinateur du PAEJ, Désiré Manirakiza, rassure que ce programme d'implantation des centres va se poursuivre et sera clôturé avant la fin de l'année 2024. Suivez. À partir du moment où on a prévu une activité et que cette activité n'est pas réalisée, le handicap est réel, il est visible, on ne peut pas le nier. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pour le moment, nous travaillons en commun, n'est-ce pas, d'accord, avec les responsables du marché public, afin de voir comment on peut résoudre la question de l'approvisionnement en ordinateurs. Parce que pour le moment, ce qui nous a manqué, c'est juste les ordinateurs afin de pouvoir meubler les centres des jeunes. Alors, pour essayer juste de vous expliquer la pertinence de ce projet en lien avec la rénovation des centres jeunes, c'est que nous voulons offrir aux jeunes au niveau des communes, des espaces d'apprentissage numérique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne cesse de le dire, il faut à tout prix passer à la digitalisation. Et si nous voulons passer à la digitalisation, il faut qu'on ait un personnel, il faut qu'on ait une population acquise au fonctionnement digital. Et pour le moment, à part ceux qui sont dans les centres urbains, il peut être un peu difficile pour les jeunes qui sont à la campagne de pouvoir se procurer des matériels didactiques qu'ils vont utiliser dans le domaine de la formation. Et c'est donc pour cela qu'on avait initié ce projet qui visait à équiper les 119 communes de centres, n'est-ce pas, qui vont permettre l'apprentissage numérique. Donc pour le moment, nous sommes en train de voir comment on peut obtenir une dérogation spéciale afin de pouvoir commander les ordinateurs que nous pourrons utiliser dans le cadre de l'équipement de ces centres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, les dépenses totales de l'État exercice 2023-2024 sont réduites de 3,6%, comme le Fonds monétaire international l'a recommandé au gouvernement d'éviter des budgets énormes dans le but de lutter contre la dévaluation de la monnaie. Cela a été dit ce vendredi par le ministre des Finances lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant la révision budgétaire de cette année. C'était au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés s'inquiètent de l'annulation des activités de l'Obura ARB Phonik pour le troisième et le quatrième trimestre. Le ministre Audace Niyonzima explique que cette décision a été prise pour que les institutions, ces institutions écoulent les moyens se trouvant sur leurs comptes bancaires. Jean-Marie Vianenge Ndakumana a été à Kigobe pour la rédaction de ce reportage. Lors de l'analyse et l'adoption du projet de loi ce vendredi portant les visions de la loi portant sur la fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2023-2024, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes liées à l'annulation des activités du troisième trimestre et quatrième trimestre prévues pour le fonctionnement de l'Obura, de ALB et le FONIC. À cela, le ministre des Finances répond que ces institutions devront consommer les montants déjà transférés sur leurs comptes bancaires pour pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits ne sont pas encore engagés, dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures pour les ministères et institutions et dont les travaux n'ont pas encore commencé pour les programmer dans le budget 2024-2025. Le BOA et l'ARB devront consommer les montants déjà transférés sur leur compte pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. Ministre Audace Nyonzima indique que les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation à plus de 1 734 milliards frabou au moment où les recettes non fiscales sont connues une variation de plus de 11 milliards frabou, passant de 345 milliards frabou, soit une hausse de 3,2%. En ce qui concerne les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation par rapport aux prévisions de la loi initiale. Ces recettes s'élèvent à 1 734,4 milliards de BIF. Pour les recettes non fiscales du budget révisé, elles ont connu une variation de 11,1 milliards de francs burundis, passant de 345,2 milliards de BIF à 356,4 milliards de BIF, soit une augmentation de 3,2% par rapport aux recettes non fiscales initialement prévues. Cet accroissement est dû à l'augmentation des prévisions non fiscales sur les loyers et les autres recettes non fiscales. Selon cette révision budgétaire, les dépenses totales de l'État passent à plus de 3 923 milliards frabou à 3 780 milliards frabou par le budget de l'État 2023-2024, soit une diminution de 3,6%. Le projet de loi portant la révision de cette loi a été adopté à l'unanimité par 109 députés qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Vianney Ngendakumana et le gouvernement du Burundi prévoient à partir du mois de janvier 2024 un partenariat entre la société sucrière du Mosso Titsosumo et une société ougandaise dénommée Sarai Group en vue d'étendre et augmenter la production du sucre au Burundi. Fondée en 2000, Sarai Group est un conglomérat privé comprenant 11 filiales opérant en Afrique de l'Est et Australe et son siège se trouve à Kampala, en Ouganda. Entre autres produits de ce groupe, l'on mentionnerait le sucre, le ciment et l'électricité. Plus de détails sur Sarai Group avec Mireille Kanyang. Selon des informations tirées du journal en ligne The Star, Sarai Group a des origines indiennes. C'est un groupe constitué d'entreprises aux activités différentes ayant son siège à Kampala, la capitale ougandaise. Ce conglomérat opère en Afrique de l'Est et en Afrique australe, c'est-à-dire en Ouganda, au Kenya et au Malawi. Sarai Group est constitué de 11 filiales jusqu'en novembre de cette année. 8 opèrent en Ouganda, 2 opèrent au Kenya et une autre au Malawi. Parmi celles installées sur le sol ougandais, 2 produisent du sucre. Ce sont les entreprises Kinyara Sugar Works et Hoima Sugar Limited. Entre autres produits de ce groupe, l'on citerait le sucre, le ciment, l'éthanol, de l'huile pour cuisine, des portes, de l'électricité et autres. En 2022, les employés de ce groupe se comptaient à 17 000, dont le secteur sucrier poursuit The Star. Son bilan comprend 20 000 hectares de ses propres domaines en Ouganda, avec une capacité installée de 19 000 tonnes de canne à sucre broyée par jour, produisant plus de 170 000 tonnes de sucre par an. Mireille Kanyangé, le manque d'interconnexion entre les postes frontalières des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des défis auxquels fait face la sécurité transfrontalière, sont là les propos du colonel Manirakiza Alexis, commissaire en charge de frontières au niveau du commissariat général des migrations au Burundi. Il l'a dit ce jeudi dans un atelier de sensibilisation sur le renforcement de la sécurité transfrontalière entre les pays membres de la communauté est-africaine. Et les activités migratoires et commerciales ont repris ce vendredi à la frontière de Gatumba, poste frontalier entre le Burundi et la RDC, après des jours de fermeture suite aux élections du 20 décembre 2023 à République démocratique du Congo. Ce vendredi matin, les passagers parlaient d'un mouvement qui était très intense à la frontière et les Congolais, tout comme les Burundais, parlaient d'un manque à gagner et normes enregistrées suite à la décision surprenante prise par les autorités congolaises de Uvira, à République démocratique du Congo. Jérémy Koïma, reportage. Les vendeurs de différents articles que nous avons rencontrés à la frontière vendredi matin ont dit leur joie de reprendre le travail, mais surtout ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été avisés s'il fallait fermer la frontière et surtout pourquoi en 2018 la même frontière n'était pas fermée pendant les élections. Moi je vends des tomates, elles ont pourri car depuis mercredi elles étaient bien mûres dans les paniers. Moi, je vends des carottes, des oignons et autres produits des champs. Les autorités congolaises ne nous ont pas prévenus pour fermer la frontière et cela nous a causé du tort. Moi, je vends des pains, des saucissons et elles ont pourri. C'est un manque à gagner. Les Congolais vivant au Burundi, pour leur part, continuent à regretter de n'avoir pas pu voter et exercer ainsi leurs droits constitutionnels. Nous venons de Rumonge, de Gitega, de Nyanzalake et Bujumbura. Nous avons voulu honorer notre pays par les élections, mais voici comment ils nous ont négligés. Parmi nous, il y a ceux qui viennent du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec même des députés, et notre ambassadeur a été aussi bloqué. Nous n'avons pas franchi, ça sent la tricherie. Retenez enfin que les élections de ce mercredi se sont encore poursuivies jeudi 21 à certains endroits en province du Sud Kivu, plus particulièrement dans les périphéries de la ville de Bukavu, mais à Uvira, presque tout a été clôturé la même nuit du mercredi. Depuis Uvira, Jérémy Kouima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci à Jérémy Kouima et c'est par cet élément que nous bouclons les boucles de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la collaboration technique d'Eric Ouimana. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere pour une suite des programmes à la Radio Isanganiro.